Donc, je voulais déjà remercier Madame Saul de l'opportunité de ces journées de réunion et qui sont extrêmement réjouissantes et enrichissantes. Et je voulais remercier également tous ceux qui ont participé à l'organisation parfaite de ces journées. Voilà, donc j'ai comme objectif de publier, là je l'ai là, l'inventaire, donc manuscrit inédit de 1762 qui présente le cabinet de physique des enfants de France. Donc, comme Monsieur MacLachlan Lambier, c'est une interprétation tout à fait particulière de la notion de naissance d'une politique scientifique. Vous comprendrez pourquoi à la fin de mon exposé. Donc, voilà pour parler de mes sources. Je vous présente donc cet inventaire du cabinet des enfants de France est inédit. Il est à la bibliothèque municipale. C'est assez exceptionnel. Il date de 1762 et ça faisait à peu près 5 ans que je l'avais, je dirais, sous le coude, sans avoir le temps de l'exploiter. Il comprend 181 références d'instruments, de matériaux, d'accessoires et de meubles du cabinet de physique des enfants de France. Et il est à comparer, bien évidemment, avec le catalogue du principal fournisseur, qui est l'abbé Nollet, donc qui a publié un catalogue en 1738. Mais il est également à comparer, et c'est en cela qu'il est intéressant, avec un inventaire identique qui a été publié de 1765, publié, et publié par Léry en 1934, excusez-moi, et qui est un inventaire perdu. C'est-à-dire qu'il est passé en vente publique et puis on n'en a plus la trace. Donc c'était, moi à mon avis, quand j'ai trouvé l'inventaire de 1762, quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir avoir deux inventaires. Alors, qu'on soit bien clair, il s'agit pour moi d'une période d'éducation d'un prince, et plus exactement de trois princes, puisqu'il s'agit de l'éducation de Bourgogne, Berry, et Provence et Artois. Donc c'était exceptionnel d'avoir cette naissance possible d'une politique d'éducation scientifique, et c'est en cela que je me permets de vous présenter ce travail. Donc, la problématique est la suivante, et la question que je me suis posée est la suivante: quel choix d'instrument est fait pour constituer un cabinet de physique pour des jeunes enfants, des très jeunes enfants? Quelle est la proportion, je vous montrerai, des instruments qui sont achetés dans le catalogue général de Nollet? Et ce qui m'intéressait également, c'était de m'intéresser à la culture matérielle des enfants de France dans la pratique scientifique. Parce que la culture matérielle des enfants de France, c'est un aspect qu'on a assez peu étudié jusqu'à présent. Et évidemment, dans le cadre de cette journée, cette pratique va-t-elle déboucher à long terme, va-t-elle avoir une influence à long terme sur des décisions de politique scientifique de ces garçons, de ces jeunes garçons qui, pour certains, vont régner? Alors, difficulté de ce travail, voilà, je vous présente l'inventaire de 1762. La difficulté de ce travail, c'était de reconstituer et de comparer des inventaires qui sont évidemment pas comparables. En 1760, apparemment, il y a eu une grande réforme administrative au menu plaisir, avec l'obligation de tenir des registres d'entrée et de sortie des décors pour le spectacle, mais pas grand-chose pour le cabinet de physique, c'est bien le problème, qui était, je dirais, un peu familièrement le cadet des soucis de Papillon de la Ferté, de l'administrateur, des menus plaisirs, et c'est bien mon problème. Donc quand même, une réforme en 1760 qui oblige à tenir des registres, et on a la chance d'avoir deux registres, et je pense qu'il y en a un pour chaque année, mais je n'ai toujours pas réussi à vous le trouver, et c'est bien un peu mon problème. Donc je m'engage sur une grande enquête archivistique pour trouver ces inventaires que je pense manquants, mais dont je n'ai aucune certitude de leur existence, bien évidemment. Là j'en ai deux, et je pense qu'il y en a sans doute beaucoup plus, et ce que j'aimerais trouver sont des inventaires non pas pour 1758, 59, 60, parce que je pense qu'il existait une constitution, mais pour plus tard, voir la génération d'après des enfants. Parce que ça, ce serait extrêmement intéressant. Alors, comparer l'inventaire de 62 avec celui de 65, eh bien, il y avait un gros problème de méthode, parce que, aussi bizarre que ça paraisse, évidemment, le responsable de l'inventaire n'a pas repris l'inventaire précédent, et donc on a un extraordinaire fouillis dans les noms des instruments, nom qui n'est pas fixe. Les instruments se présentent souvent en pièces détachées, Et les inventaires portent parfois plus leur attention sur des pièces au lieu d'objets globaux. Et en plus, il y a un certain nombre de matériaux, de matières qui sont inventoriées, comme le soufre, la cire, etc. Donc un certain nombre de matériaux pour les expériences. Après reclassement, il apparaît qu'on puisse trouver dans ce cabinet, et là j'ai repris les ordres du catalogue Nollet, les 5 grands thèmes. Alors si vous regardez bien, je les ai numérotés, mais vous voyez que j'ai aussi inversé les numéros. Et je vois que mes petites lignes n'apparaissent pas, alors qu'elles sont, elles sont là. Donc, en gros, qu'apprenait-on aux enfants ? Et j'ai trouvé des instruments dans tous les domaines, alors je vous les cite. Donc, les expériences sur le mouvement, la pesanteur, l'équilibre des corps solides. Ensuite, en deuxième, c'est l'ordre de Nollet, des expériences sur le mouvement, la pesanteur et des liqueurs. Ensuite, des expériences en 3 sur l'air, des expériences en 4 sur le feu, des expériences en 5 sur la lumière et la couleur, en 6 sur l'aimant et l'électricité, en 7 sur la cosmographie et puis des instruments de météorologie. Sauf que quand, ça c'est l'ordre de Nollet, sauf que quand on regarde les pourcentages, et c'est cela que j'ai calculé, eh bien on s'aperçoit, alors voilà, on s'aperçoit déjà, et ça c'est assez impressionnant quand j'ai eu le calculé l'ensemble. Donc vous voyez, ce que propose Nollet, c'est l'achat de 345 instruments. Le cabinet, en 1762, en achète 180 ou 181, ça c'est à discuter, mais bon, vous me ferez grâce de la machine. Donc 180 instruments, ce qui fait 52% du cabinet Nollet a été acheté, enfin 52% de ce que Nollet propose a été acheté pour les enfants de France. En ce qui concerne maintenant les instruments, vous voyez que j'ai changé l'ordre, eh bien, en 1762, on a acheté 81% des instruments concernant le mouvement, la pesanteur et l'équilibre des corps solides. Sur 58 objets proposés, on en achète 47. On propose ensuite, on a ensuite 54% des instruments dans le cabinet qui touchent à l'équilibre des liqueurs. Et puis 52% en ce qui concerne la lumière et la couleur. Et puis beaucoup moins sur la météorologie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a commencé simplement les leçons? Je vous rappelle qu'on est en 1762, donc au début de l'éducation, on a des enfants qui ont 7 à 8 ans. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, a-t-on seulement commencé les équilibres sur corps solide et les liqueurs, et puis va-t-on acheter plus tard? C'est pour ça que j'aurais besoin d'un inventaire que je ne trouve pas postérieur de 5 à 6 ans. Donc, ça, c'était déjà une de mes premières questions. A-t-on seulement acheté les instruments du début, si je puis dire, de l'éducation? Ou alors, est-ce que ça manifeste véritablement un choix extrêmement précis de ce qu'on veut faire savoir à ces jeunes garçons? Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, eh bien, Nollet définit pour la première fois le programme scolaire des princes. Il n'y a pas de programme scolaire. En ce qui me concerne, je parle bien, on est bien d'accord, uniquement des matières physiques, de sciences physiques, sciences naturelles. Il définit, le voilà, ministre de l'éducation des princes, si on peut dire. C'est lui qui définit par les achats qui sont faits dans son catalogue, il définit ce que les princes vont avoir à apprendre. Alors, après, je me suis penchée sur les instruments qui ne sont pas présents et les aspects qui sont dans le catalogue, qui auraient pu être achetés et qui n'ont pas été achetés. Donc, on sait l'importance des calculs des méridiens, de la longitude, etc. Eh bien, Nollet proposait à la vente un pendule à seconde, dont la construction est remarquable par plusieurs nouveautés. Eh bien, ce pendule, on pourrait penser qu'il a été acheté, il n'a pas été acheté. Il y a très peu de lunettes astronomique, chose étonnante aussi pour le petit-fils de Louis XV, très peu de lunettes, sauf alors ce que j'appellerais, et les historiens des sciences me pardonneront, une lunette à regarder dans les coins, qu'on appelle un polémoscope, et une lunette à quatre verres, et puis quand même, en 1762, il y a bien évidemment le télescope grégorien de passement, ça c'est évident, dans le cabinet des menus plaisirs, et il y a un télescope à deux verres de long de 14 pieds. Voilà. Donc, assez peu, j'aurais pensé trouver beaucoup plus de lunettes. Or, on sait que le dauphin, la famille royale également, donc le papa de ses enfants, le dauphin, ont observé la comète en 1737. Alors, je me suis posé la question, les lunettes sont-elles de dimension déjà tellement importante que de réglages si difficiles qu'on ne peut pas les déplacer ou qu'on ne peut pas les amener auprès des enfants? Or, on sait par exemple que le duc d'Orléans observe la comète avec une lunette de 18 pieds, qui est comparable à celle que l'on trouve là, puisqu'elle est de 14 pieds. Ensuite, dans la marine, on s'attend à trouver des instruments de marine, on est quand même chez le futur Louis XVI. Eh bien, il n'y a pas d'instruments de marine, en tout cas pas là, pas dans ce cabinet-là. Donc, notamment, je pensais, chez Nollet propose une machine curieuse dont on se sert pour enlever les vaisseaux submergés, qui est une machine assez courante finalement, elle n'est pas là. Ensuite, on s'attendrait, parce que l'aspect militaire est important, les innovations militaires et dans l'artillerie sont importantes, on s'attendrait à trouver des armes. Elles ne sont pas dans ce cabinet-là des menus plaisir. Il y a juste un fusil avant, et je dirais, pour simplifier encore, que c'est une carabine à air comprimé, en quelque sorte. C'est le prototype d'une carabine à air comprimé. Voilà, c'est un petit... Alors, mais par contre, avec ce fusil avant, on a la façon de fabriquer, hein, donc le moule à balles, l'emporte-pièce, etc. Donc il y a quand même un objet d'armes. En ce qui concerne les instruments techniques servant pour l'agriculture, par exemple, Nollet propose des vents, des objets pour le tri de grains. Il n'y en a pas en 1762. Il n'y a pas de scie à pierres précieuses pour l'orfèvrerie. On aurait pu s'attendre à en trouver. Nollet en proposait. Il n'y en a pas en 1762. Pourtant, il y a un certain nombre de lentilles à double foyer. Il y a deux miroirs ardents qui permettent la fusion de matériaux à très haute température pour un jeune enfant. Il y a de très nombreux moulins, de tout type de moulins. Donc on voit qu'un certain nombre, une certaine orientation a été donnée qui ne peuvent pas expliquer les choix scientifiques postérieurs de ces jeunes garçons. Ont été rajoutés, qui ne sont pas dans le cabinet Nollet, dans le catalogue Nollet si on peut dire, ont été rajoutés une dizaine de grandes balances. Ça c'est assez étonnant, tout type de balances pour le vide, pour le plein, pour les eaux, enfin pour peser dans l'eau, etc. Ont été rajoutés également quatre amusements optiques. On a un exemplaire assez qui m'a totalement séduit dans l'exposition et qui n'est pas du tout celui qui était dans ce cabinet dont je vous parle, qu'on appelle donc une anamorphose en optique. Eh bien, il y a quatre objets d'anamorphose en optique qui sont proposés à ces jeunes garçons. Ont été rajoutés également un certain nombre d'objets civils, du génie civil, qui ne sont pas totalement chez Nollet, notamment un modèle de treuil, des modèles avec des manivelles, des pieds de chèvre, un modèle d'engin, alors là c'est la précision fabuleuse de celui qui a fait l'inventaire, un modèle d'engin, et un modèle de grue de la roue des carrières. Donc là, des instruments de génie civil en quelque sorte. Donc on voit, et ça c'est surtout acheté dans l'inventaire de 1765. Donc on voit que au milieu de l'éducation de ces garçons, on a véritablement un intérêt qui va croissant pour les instruments de génie civil. A été rajouté, qui n'est pas dans le catalogue Nollet, a été rajouté encore une machine pour expliquer l'échappement en horlogerie. Et c'est pas Nollet qui l'a fourni, mais c'est sans doute le travail d'un horloger de la cour qui permet qui a offert cette machine, enfin qui a donné cette machine. Alors, en ce qui concerne les globes, il y en a, hein, bien évidemment, il y a les globes Nollet, je ne vais pas revenir, vous les avez à l'exposition. Hein. Donc, mais par contre, il me semblait quand même que la cosmographie et les globes me semblaient sous-estimés, mais sans doute font-ils partie de l'inventaire d'autres cabinets, et qui ne sont pas dans ce cabinet-là que je vous présente. Donc la géographie, les cartes, l'art militaire, les maquettes sont déjà distincts de ce cabinet de physique des menus plaisirs, ce qui indique par conséquent une séparation nette qui a été faite des disciplines scolaires aux mains d'autres précepteurs et placées dans d'autres lieux d'éducation à disposition des enfants. Donc le stockage des instruments se fait à l'hôtel des menus plaisirs, construit sur l'avenue de Paris comme un dépôt important en 1750. Comme je n'ai pas trouvé les déplacements des enfants qui seraient allés à l'hôtel des menus plaisirs, je ne peux pas vous affirmer que les enfants y soient allés à proprement parler. Mais en même temps, à cette période, contrairement aux autres éducations, ils peuvent se déplacer dans les dehors du château sans faire une demande d'autorisation de déplacement. Donc, je ne peux pas non plus vous dire qu'ils n'y sont pas allés. Enfin, avec ça, on est bien avancé. Donc, la question, c'est Nollet déplaçait-il les instruments? Quand le faisait-il? Et je n'ai pas encore fouillé tous les comptes de frais de déplacement parce que je pensais trouver des informations beaucoup plus simples et trouver des frais de déplacement de l'abbé Nollet, ce qui est une affaire assez compliquée à trouver finalement. Donc par conséquent, il faut comprendre qu'il y avait au château plusieurs générations et plusieurs types d'instruments scientifiques. Il y en avait, vous le savez, dans l'appartement du roi Louis XV, il y en avait dans le cabinet privé de chimie du roi dans la cour des serfs, il y avait des pièces destinées au dauphin, donc le papa de ses enfants, il y avait des objets de science dans les cabinets d'études des enfants, et maintenant, vous voyez qu'il y en a dans ce cabinet des menus plaisirs. Donc plusieurs lieux de type où se trouvent les instruments scientifiques avec une ségrégation, si je puis dire, des instruments scientifiques selon les espaces. Alors comment s'est constitué ce cabinet de physique? Et la question que je me suis posée, c'est n'y a-t-il que du Nollet dans ce cabinet? Oui, majoritairement, Nollet est le principal fournisseur. je n'ai pas trouvé d'autres constructeurs, et pourtant on aurait pu avoir, par exemple, des instruments donnés par l'autre grand-père, c'est-à-dire Stanislas, l'autre arrière-grand-père, pardon, Stanislas, qui a donc un cabinet organisé par Varingue à Lunéville et à Nancy, et ça aurait pu être l'objet de cadeaux du grand-père Stanislas. Je n'en ai pas trouvé. Nollet se fait le vendeur d'un certain nombre de constructeurs d'instruments. Il est l'intermédiaire principal. Le compas de mer, qui est à l'exposition, le compas de mer de Le Maire, justement, du constructeur Le Maire, est vendu par Nollet. On aurait pu acheter des objets du cabinet Bonnet de la Mosson, on en a parlé à une autre occasion, ce n'est pas le cas. Il aurait pu rester des instruments des cabinets précédents, et notamment je pense aux objets du père Truchet, les opéras mécaniques, les tableaux mouvants. Mais ce n'est pas un tableau mouvant du père Truchet qui a servi à l'éducation de Louis XV qui reste, c'est un autre. 360 livres ont été payés au sieur Lépine pour avoir fait un tableau mouvant. Donc c'est de la mécanique. Voilà. Donc, des objets sont également issus de cabinets ayant déjà appartenu au père, au dauphin et au grand-père Louis XV. Donc le dauphin, je vous rappelle, a commencé ses leçons de physique en 1737 quand il avait 8 ans, donc à peu près un âge comparable. Et un grand planétaire a été livré par Nollet en 1737 et il trouve qu'on attend de le payer. On a mis beaucoup de temps à le payer pour ce planétaire. Voilà, donc ce planétaire, on le retrouve dans ce cabinet des menus plaisirs. En 1738, le grand-père Louis XV a fait transporter chez son fils, qui a 9 ans, les objets de son cabinet de physique, et notamment son imprimerie. Eh bien, cette imprimerie, elle vient de passer dans le cabinet des petits-fils. Hein, donc, on la retrouve dans le cabinet des petits-fils. Donc, en 1744, le dauphin suit 6 mois les leçons de Nollet, qui fournit les instruments, de la même manière qu'il fournit les instruments pour la reine et ses filles. Et les machines, dit-on, sont là depuis 2 ans. On est en 1744, sont depuis 2 ans dans le cabinet des médailles. À la génération d'après, c'est-à-dire celle qui m'intéresse, la génération de Bourgogne, Berry, Provence et Artois, eh bien Bourgogne, vous le savez, meurt en 1761, il a 10 ans, et donc avant le premier inventaire que je vous présente ici. Et pourtant, Nollet le distrayait par ses expériences, et donc à cette période qu'il y a eu les premiers achats. Quels achats ont eu lieu ensuite? Quels deuxièmes achats ont eu lieu entre 1762, mon inventaire est celui de 1765? Eh bien, après avoir remis de l'ordre, je pensais vraiment qu'on avait des achats extrêmement importants entre ces deux dates. J'ai bien dû me résoudre à l'idée que ces deux cabinets sont quasiment identiques quand j'ai remonté toutes les machines, si je puis dire. Les deux cabinets de 62 et de 65 sont quasiment similaires et il ne fallait pas se laisser abuser par le nombre d'objets. En 62, on dit 181 références. En 65, on dit 195 références, mais quand on remonte les machines, on a à peu près le même nombre d'instruments. Donc, ce qui veut dire que l'essentiel a été acquis ou acheté avant 1762, soit depuis 4 ans que Nollet est maître de mathématiques des enfants de France. Et seules quelques modifications apparaissent au bout de 3 ans de cours. Et ces modifications me semblent extrêmement importantes. On s'aperçoit en 1765 d'un rajout de 8 à 10 pièces. Et je vais vous allez voir qu'elles sont très différentes. On voit un insectier, donc un meuble à papillons et insectes, bien sûr. On voit aussi un cœur artificiel en cire, chose qui n'était pas du tout, et qui peut-être, et j'aimerais là travailler plus, mais on n'a pas de description, j'ai juste cœur artificiel en cire, 1765, voilà. Donc c'est peut-être une des premières maquettes en cire de Fragonard, peut-être des maquettes qui venaient d'Italie, j'aimerais beaucoup le savoir, mais voyez bien l'orientation vers la médecine. On trouve des pierres, des minéraux et des coquilles. Et on trouve, et ça va faire plaisir à Mademoiselle Rose de la Biothèque Municipale, c'est en 1765 que l'on trouve, c'est-à-dire 20 ans avant les Indiens qu'elle présente à l'exposition, on trouve quelques parures d'Indiens, des échantillons de cire végétale verte et autres productions des Indes. Voilà. Donc vous voyez une toute autre orientation en 1765, une ouverture vers les sciences naturelles, vers la connaissance des terres lointaines françaises, dont on a parlé hier après-midi. Cela s'accompagne de lectures de princes. Enfin, je ne sais pas si ce sont des lectures. En tout cas, on a fait venir des livres de la Bibliothèque du Roi de Paris à Versailles et les enfants ont parcouru, ou les précepteurs ont fait parcourir, ont parcouru ces livres. Et qu'est-ce que voit-on pour corroborer l'idée de cette ouverture aux sciences naturelles et aux terres lointaines? Eh bien, on voit c'est pas flagrant, hein. On voit une histoire des révolutions du Portugal, on voit une histoire des découvertes du Pérou, on voit une histoire de la conquête du Mexique, et on voit également la collection des arts et métiers de l'Académie, avec les métiers de charbonnier, forge, encre, épinglier, papetier, ardoise. Donc on voit ces ouvrages qui viennent de Paris pour l'éducation des princes, de ces jeunes garçons à cette époque. Alors, je dois avouer à ma grande honte que je n'ai pas trouvé, bizarrement, mais je ne désespère pas, le plan des cabinets des menus plaisirs pour me rendre compte de l'espace. Vous avez vu à l'exposition la taille de ces machines. Je pense qu'il y en avait à peu près 90 à 100 quand on les remonte vraiment. Donc vous voyez la dimension des pièces. Par contre, ce que j'ai, c'est les meubles du cabinet. Ce cabinet était meublé. Il était meublé de plusieurs armoires, d'une cheminée, d'une pendule, d'une forte table en chêne, d'une dizaine de fauteuils, de 6 chaises, etc. Je vous en fais grâce. Et énormément de serviettes pour pas que ces princes se salissent, bien évidemment. Le cabinet d'études était en outre orné de lambris. Donc il me reste juste à trouver le plan. Voilà. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous le montrer. Alors, je vous ai dit au début ma joie de trouver ces deux inventaires, 1762-1765, et puis après un peu cette désolation de ne pas trouver autant d'informations. Alors je me suis dit tout simplement, la date n'est pas pertinente. La date des inventaires n'est pas pertinente par rapport à la période d'achat des instruments. C'est-à-dire qu'il est vrai que les années 60 ne correspondent pas à une période d'invention, d'innovation dans le domaine des instruments pédagogiques scientifiques. C'est dans les années 40, 1740, que là on a une vraie invention. Et donc il me resterait à attendre les inventeurs de la génération d'après, si je puis me dire. Alors j'ai essayé de comparer avec d'autres inventaires, très difficile de comparer avec d'autres inventaires puisqu'on est quand même là sur un inventaire princier, et que évidemment il y a encore toute une synthèse à établir sur les cabinets princiers. Des analyses sont faites, mais pas encore de synthèse sur tous les cabinets princiers des différentes cours et même de la haute élite et des princes de sang. Quand même, l'idée qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a là le plus grand des cabinets de physique à usage pédagogique. Je vous rappelle que, par exemple, si l'on regarde, puisqu'on en a une liste très précise, le cabinet de Madame du Châtelet, qui est composé d'après Nollet et qui a été acheté une dizaine d'années auparavant, eh bien, on a seulement 60 à 75 instruments pour Madame du Châtelet et Voltaire à Ciré. Et Voltaire se plaint d'avoir été ruiné par ses achats. On pourrait comparer avec un autre cabinet princier, qui est le cabinet d'histoire naturelle du marquis de Séran, fait pour le duc d'Angoulême, mais c'est la génération d'après, et puis vous l'avez entendu dans le titre, c'est un cabinet d'histoire naturelle, donc on ne peut absolument pas comparer. On peut comparer avec des achats des collèges jésuites, qui mettent en pratique vraiment une éducation en physique, avec lesquels Nollet est très lié, notamment je pense au collège des Gondrans de Dijon, c'est seulement... Donc 23 appareils après l'inventaire de 1762, 23 appareils pour un collège jésuite. Pour le collège de Bourges, qui est un des plus grands collèges de France, où les jésuites sont, donc vous savez qu'en France les jésuites sont chassés en 1762, donc on a la chance d'avoir un certain nombre d'inventaires. Et bien pour le collège des jésuites, c'est seulement une trentaine d'inventaires en 1762. Par contre, Sigaud de Lafont, qui est le successeur de Nollet, va faire une politique d'achat extrêmement importante pour ce même collège des jésuites, et en 1786, donc 20 ans plus tard, où on a un autre inventaire, là, Sigaud de Lafont aura acheté 90 références. J'ai dit références et j'ai pas dit machines. Donc c'est toujours le même débat. Donc une synthèse reste bien à faire sur l'ensemble de ces cabinets princiers, de la cour de Turin, de la cour de Parme, de Florence, de Bologne, etc. Donc la question qui se posait, c'est pourquoi constituer un cabinet de physique au menu plaisir? Quels sont les objectifs précis de ce cabinet? Et si on regarde bien les instruments, il est évident, on a affaire à des princes qui sont jeunes. Je crois que je vous ai mis, donc voilà l'abbé Nollet, je vous ai mis les âges un peu plus tard, bien évidemment. Donc les objectifs précis de ce cabinet sont des expériences simples. Un rôle didactique. On voit que ce qui a été choisi, c'est, par exemple, c'est de rendre les expériences visibles. Quand on a le choix entre du métal et du cristal, on prend du cristal pour voir le phénomène. Donc un rôle didactique affirmé, bien adapté à des enfants, pour qu'ils puissent manipuler, montrer l'invisible aux enfants, leur faire comprendre les choses qui sont totalement invisibles et qu'on commence à démontrer, répéter des démonstrations avec des appareils, refaire des expériences pour que les princes soient familiers avec les sciences. Et là, c'est très différent de ce qui se passait auparavant, avec notamment, je pense, le grand dauphin. Donc on remonte un siècle auparavant, eh bien le grand dauphin, lui, il se déplaçait, il allait voir les savants et il avait la science qui se fabriquait devant ses yeux, les expériences qui se fabriquaient. Là, on a affaire à des expériences routinières, je puis dire, hein, pour l'éducation. Dans ce cabinet, il n'y a pas eu de visite spectaculaire, il n'y avait pas de protocole. On a bien affaire à un cabinet privé, un laboratoire en quelque sorte, physique, à usage limité, mais à un coût énorme, un investissement considérable pour l'éducation. Les objectifs sont très différents, vous l'avez compris, des expériences spectaculaires sur les forces invisibles dans la grande galerie, hein, dans les expériences d'électricité. Là, il s'agissait de faire ressentir l'invisible, hein, on mettait en avant, et Madame Grell l'a parfaitement montré, l'émotion, le spectaculaire, et surtout la volonté de s'attirer les faveurs de la cour. Pourquoi ce choix ? L'électricité, finalement, n'est pas très développée. Vous l'avez compris, dans ce cabinet Nollet, elle existe, hein, bien évidemment, on a acheté des instruments, mais ce n'est pas la majorité. Nollet a vraiment eu une politique à l'égard de l'électricité, je ne vais pas revenir sur ce point, mais il aurait pu diffuser au public d'autres inventions exceptionnelles qu'il avait, et notamment, justement, il a inventé quelque chose comme ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle à l'époque un microscope solaire, c'est-à-dire un projecteur. Et ce projecteur, il le dit plusieurs fois, ça sert à montrer des puces aussi gros que des vaches, et alors, quelque chose que je trouve dans la description extraordinaire, à vous montrer l'eau des huîtres. Fabuleux, sur un grand écran. Bon, finalement, donc, pourquoi constituer un cabinet de physique au menu plaisir ? Eh bien, il y a deux aspects. D'abord, l'aspect Nollet. Dans le fonctionnement curial de ce milieu 18e, Nollet a souvent recherché un soutien financier, bien évidemment de la monarchie, ou une récompense. Et déjà en 1744, il se plaignait à Jalabert dans une lettre, il disait « J'ai eu 4000 livres de gratification sur la cassette du dauphin, cassette privée. On me flatte d'un bénéfice, mais qu'en viendra-t-il ? Il avait une sorte de désespérance de servir le roi, mais de ne pas être payé en retour. Pour la génération suivante, tout a changé. Donc en 1758, vous le savez, le 1er mai 1758, Nollet est nommé maître de physique des enfants de France. Il est le premier détenteur d'un emploi créé pour lui, mais créé. Et la création d'emplois est très, très rare dans l'éducation princière. Donc il faut bien souligner l'importance de cette nomination comme une reconnaissance de l'importance des sciences dans l'éducation princière. C'est le premier emploi fixe. Avant, il n'y avait que des maîtres qui n'étaient pas permanents. Donc il faut bien concevoir cette nomination également comme une révolution du contenu du programme princier aux dépens des humanités. Donc finalement, Nollet a eu un emploi, la faveur du roi, un logement au Louvre, une position à la cour, ce qui est rare pour un académicien des sciences avant Nollet, la reconnaissance publique pour ses travaux sur l'électricité, l'achat de nombreux objets de sa fabrication, des pensions pour avoir assuré les cours. Finalement, il me semble que la reconnaissance royale s'avère énorme. Et elle est surtout directement issue de la cassette privée. Il resterait donc à estimer le coût de cette collection des menus plaisirs, qui est aussi un travail très compliqué, puisqu'on n'a pas tous les prix de tous les instruments. Donc ça, c'était l'aspect Nollet. Regardons maintenant le côté des princes. Pourquoi constituer un cabinet de physique pour les princes ? Et j'en aurai terminé. Donc, quel regard sur la nature et sur le monde ces princes peuvent-ils avoir au travers de ces instruments ? Et je vous montre là que ce sont des princes très jeunes, des enfants dont on pourrait dire qu'ils sont de l'âge du primaire, si on parlait en termes contemporains, des enfants d'une dizaine d'années. Il est évident que cette sollicitation fréquente et précoce pour les objets scientifiques a façonné leur culture scientifique. Ils ont eu à leur disposition des instruments pour mesurer, des instruments pour constater. Ils ont eu également des instruments pour modifier la réalité, l'électricité, les aspects pneumatiques, la chimie. Ce qui était déjà évident pour Louis XV, mais qui n'était pas formalisé par un emploi ni un lieu, et devient évident pour ses petits-fils, Berry et pour ses deux frères. Berry et ses deux frères ont été préparés pour être des princes de leur temps, des princes praticiens, pour que la science s'applique au réel, pour démontrer un certain nombre d'aspects, et pour que la science permette d'agir. Mais ils n'ont pas eu, pour l'instant, en 1762, leur éducation n'est pas terminée, ils n'ont pas eu de théorie, ils n'ont pas eu d'aspect scientifique qui permettait de faire comprendre des classements ou des idées sur la théorie scientifique. C'est ce qu'on appellera sans doute la philosophie plus tard pour eux. Et finalement, ils n'auront pas de grands maîtres en ces domaines. Je vous donne la réponse concernant la suite de leur éducation. Mais on a insisté là, avec ce cabinet d'éducation pour de très jeunes princes, on a insisté là à ce que certains d'entre nous ont appelé longtemps dans notre éducation, la leçon de chose. Sauf que la leçon de chose, rappelez-vous, c'était quand on chatouillait une grenouille, c'était quand on faisait pchit avec du calcaire, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'était donc une leçon de chose naturaliste et pas une leçon de chose physique. Là, on a affaire à des vrais instruments de physique, hein, et un matériel conséquent près d'une centaine de machines. Donc, il est sûr que le contact de Berry avec les expérimentations a forgé en lui un goût particulier, une appétence pour les aspects concrets et innovants de la science, ainsi qu'une compréhension, et c'est important pour un roi, on n'a pas besoin d'en faire un savant, hein, une compréhension du monde technique, des ingénieurs et des savants, justement. Une culture acquise qui l'orientera par la suite en fonction de ses intérêts personnels, vers les voyages, vers les expéditions, vers la géographie en ce qui concerne Louis XVI. Mais on oublie toujours son frère, Provence. Provence, lui, a développé des aspects extrêmement importants en ce qui concerne la botanique et les sciences naturelles, avec Romeau Dubourg ou son médecin botaniste, Pierre-Joseph Buchose. Donc, ces aspects étaient finalement, vous l'avez constaté, les aspects qui les ont intéressés étant adultes, étaient finalement très peu développés dans le cabinet Nollet. Mais cette fréquentation des instruments Nollet et des leçons de physique expérimentale de Nollet ont donné à ces jeunes garçons tous les éléments pour mener une politique scientifique innovante, et c'est là la naissance peut-être d'une politique scientifique pour les princes français. Et je vous rappelle, juste pour faire un débouché et j'en ai fini, eh bien c'est aussi l'objectif que Georges Charpak avait dans la main à la pâte, pour ceux qui connaissent, hein, qui était fabuleuse, un fabuleux désir de faire naître une volonté scientifique en France et qui, hélas, la main à la pâte s'arrête progressivement en ce moment. Voilà, je vous remercie.